Chapitre 13e, de l'autre côté de la planète. Un matin, juste après le petit déjeuner, arrive dans l'appartement de Karim une Chinoise nommée Li Hua. Comme d'autres de ses compatriotes, elle s'est choisi un prénom local, Barda. Le motif en fut le suivant. Son prénom original signifie « belle fleur ». Ensuite, en apprenant les rudiments de l'arabe algérien oranais, Li Hua découvrit que Barda équivaut à « fleur ». Ainsi, elle adopta ce dernier prénom pour faciliter ses relations avec les autochtones. Barda Li Hua a une trentaine d'années. De bel aspect, un peu rondelette, de caractère ouvert et sympathique, elle porte des habits modestes, sa chevelure noire est simplement retenue derrière la nuque. Elle habite à environ 5 minutes de la Toura, avec quelques autres Chinois, immigrés depuis quelques années dans le quartier. Karim connut Li Hua lors d'une visite de ces dernières à l'hôpital. L'infirmière en profita pour lui exprimer son besoin de trouver une Chinoise pour faire des massages à sa mère. Contrairement à la majorité de ses collègues, Karim comprenait ceci. Là où la médecine occidentale se contente de médicaments chimiques, mais sans résultat efficace, sinon d'empoisonner le corps et de lui causer des effets secondaires néfastes, la médecine dite traditionnelle peut, dans certaines conditions, se révéler adéquate. C'est le cas pour les rhumatismes de la mère de Karim, notamment son dos. Ainsi, Li Hua vient 2 fois par semaine lui effectuer des massages, avec un résultat très satisfaisant. Barda parle suffisamment le français et le dialecte local, avec un plaisant accent chinois. Avec Karim et sa famille, elle recourt à l'oranais principalement. « Salam alaikum » commence-t-elle par dire, avec son typique amical sourire. « Salam » répondent Karim et Zaya. « Ni hao » réplique la mère de Karim. Elle aime employer l'expression chinoise équivalente. Auparavant, elle demanda à Li Hua comment on saluait dans sa langue, et cette dernière l'avait dit. La mère voulut savoir la signification de l'expression. Li Hua expliqua « Toi, bien », dans le sens « Je te souhaite bonne santé ».« Ah, j'aime bien », jugea la mère toute contente. Ensuite, elle plaisanta. « Ainsi, à force de me dire « Ni hao », je finirai par me porter mieux. » Après son salut, la mère demande « Veux-tu boire du café ou du thé, Barda ?»« Non, merci. » « Vraiment pas ? Vraiment, je t'en remercie. Alors viens !» l'invite la mère. Celle-ci va dans sa petite chambre à coucher, accompagnée par Li Hua. Karim les suit. Il trouve instructif de voir comment travaille la masseuse chinoise. Avec des gestes calmes, lents et précis, elle commence par étaler une crème sur le dos nu de la mère de Karim, étendue à plat ventre sur le lit. Ensuite, elle retrousse les manches de sa chemise et commence le massage. Les mains de Li Hua vont et viennent de manière en même temps ferme et délicate sur la peau et les os du dos de la malade. Celle-ci demande, durant le massage, « Dis-moi, Barda, on dit à la télévision que la Chine est devenue un pays très riche, c'est vrai ?»« Oui, » confirme Li Hua. « Alors pourquoi toi et d'autres, vous quittez votre pays pour venir ici, en Algérie, dans un pays pauvre ?» Li Hua sourit d'abord, puis explique. « C'est parce qu'en Chine, il y a aussi des gens qui ne trouvent pas de travail adéquat. » Alors ils vont dans d'autres pays pour en trouver. Karim sait que Li Hua gère, avec son frère et d'autres membres de leur famille, un magasin de pièces détachées d'automobiles. L'un d'entre eux s'occupe également d'un restaurant chinois. Les activités sont satisfaisantes, au point que d'autres membres de la famille projettent de venir à Oran pour satisfaire la demande de travail à accomplir. « Et, reprend la mère de Karim, est-il vrai que vous, les Chinois, vous ne croyez pas en Dieu ? Pourtant, toi, tu es une brave femme. » Li Hua esquisse un autre sourire, plutôt embarrassé. Ayant découvert combien ce thème est très délicat en Algérie, elle veille à en parler avec une extrême prudence. Karim est au courant de ce problème. Aussi intervient-il. « Oh, tu sais, Barda, ici tu peux parler librement. Nous respectons toutes les opinions. » Karim a parlé ainsi parce que sa sœur Zaya est sortie pour aller au marché. Autrement, il aurait évité cet argument, sa sœur n'acceptant rien qui puisse mettre en doute sa foi religieuse. Tranquillisé par l'intervention de Karim, Li Hua répond à la mère. « Chez nous, on croit aux enseignements de Bouddha, de Lao Tzu ou de Confucius, et parfois aux trois en même temps. Mais il y a aussi une minorité de musulmans et de chrétiens. » « Alors, poursuit la mère, ce Bouddha et ces... comment dis-tu ? Lao Tzu et Confucius. Oui, ce ne sont pas des prophètes. Non, ce sont des sages et nous vénérons leurs écrits. Et eux, ils ne croient pas en Dieu ? Demande encore la mère. « Non, il croit au ciel. » « Au ciel. Comment ça, le ciel ? » Eh bien, c'est du ciel que viennent la pluie et le soleil. Ils sont les sources de la vie, donc le ciel qui les fournit est vénéré. Au ciel, insiste la mère, il y a le paradis et l'enfer. Dans notre ciel à nous, répond Lihua, il n'y en a pas. Comment il n'y en a pas ? S'étonne la mère. Mais alors, après la mort, où allez-vous ? On brûle le corps, répondit Lihua. Mais on met les cendres dans une tombe que l'on visite chaque année pour parler avec les esprits de nos morts. Parler avec les esprits de vos morts ? Oui. Et ils se trouvent où, ces esprits ? Quelque part, dans la nature. Subhanallah. Dieu soit loué, commente la mère, totalement stupéfaite. Elle s'adresse à Karim. Varda et nous, on dirait qu'on ne vit pas sur la même terre. Le fils intervient d'un ton amusé. Varda vient de l'autre côté de la planète et là-bas, c'est en effet un autre monde. Je voudrais bien aller le connaître. Et qui restera avec moi ? S'inquiète la mère. Et si tu tombes amoureux d'une femme de là-bas et que tu ne reviens pas ? Ces considérations font rire Karim et Lihua. La mère ajoute. Si tu aimes la Chine, il te suffit de connaître une Chinoise qui vit ici, chez nous, puisqu'on en parle. Pourquoi pas Varda ? Moi, je l'aime beaucoup, comme si elle était ma fille. Les deux jeunes rient de la proposition. Ah, merci, merci de m'appeler ta fille, dit Lihua, très enchantée et les joues soudain devenues pourpres. Tu vois, remarque la mère en s'adressant à son fils, la brave fille qu'elle est, Varda. Non seulement elle est une très bonne masseuse de mes vieux os, mais ses paroles sont également du miel pour mon cœur. Dommage seulement, elle s'interrompt, n'osant pas compléter sa pensée. Dommage quoi ? Demande Karim. Non, rien, réplique la mère, confuse. Rien. Au contraire, insiste Karim avec gentillesse, parle. Nous sommes entre amis sincères, nous pouvons tout nous dire. Je peux, Varda ? Demande la mère. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, explicite la mère soulagée, c'est dommage que Varda ne soit pas musulmane. Oh, répond Karim, elle a un cœur généreux, un esprit équilibré, une simplicité magnifique et une joie de vivre communicante. Cela ne suffit-il pas, maman ? Celle-ci a un léger soupir, ensuite elle dit. Oui, oui, c'est vrai. Je préfère mille fois Varda à ceux qui déclarent croire en Dieu, mais sont en réalité des méchants. Karim s'empresse de ne pas s'attarder sur ce sujet, plutôt délicat, et lance en reprenant son ton de plaisanterie. Mais alors, maman, tu n'as pas peur qu'avec une Chinoise, nous désirerons aller vivre en Chine ? Je vous demanderai, réplique la mère, d'attendre ma mort. Puis vous pouvez aller où vous le désirez. La terre de Dieu est vaste, et quand on a la santé, on sait se débrouiller. Quand Lihua finit son massage et quitte l'appartement de Karim, celui-ci bat la fenêtre qui donne sur la place. De là, il regarde la jeune femme s'éloigner d'un pas calme et régulier. À cette vue, Karim est pris d'une profonde tendresse. Il se rappelle la première venue de Lihua chez lui. Sa mère lui demanda « Combien veux-tu pour chaque séance de massage ?»« Rien la première fois. Je te masserai, puis je m'en irai. » Si par la suite tu te sens mieux, alors je te prie de me téléphoner, et quand je reviendrai, nous parlerons de la compensation financière. Quand Lihua revint pour la seconde séance, à la fin de celle-ci, la mère de Karim évoqua de nouveau le coût du massage. « Ce que tu peux, » répondit Lihua. La mère, surprise, ne sut quoi répliquer. Karim, présent à la conversation, intervint. « Varda, s'il te plaît, ne te gêne pas. Dis le prix que tu pratiques avec tes autres clients. » « Et ce sera celui que te donnera ma mère, c'est normal. » Lihua proposa une somme modeste. « Je te donnerai le double, » proposa la mère, « et voici pourquoi. Ton massage me soulage très bien de mes douleurs, et en plus, me fait épargner des dépenses de consultation du médecin et d'achat de médicaments. »« Non, non, » objecta Lihua, très confuse, « donne-moi juste ce que me donnent les autres. » Très attendrie, la mère insiste avec tact. « Écoute, Varda, considère-moi comme ta maman. J'ai une fille qui, comme toi, et dans un pays qui n'est pas le sien, en Europe. Et toi, tu as immigré chez nous. Alors je suis content de te voir remplacer ma fille. Aussi, considère l'argent que je te donnerai non seulement comme une compensation pour ton travail, mais aussi comme une manière de t'aider, car j'imagine que tu as besoin d'argent. » Soudain, Lihua éclata en sanglots, en cachant vivement son visage avec ses mains. La mère, surprise et attendrie, enlaça très fortement Lihua dans ses bras, la serra chaleureusement contre elle, et de ses yeux coulèrent des larmes. Celles-ci apparurent également dans les prunelles de Karim. Quand Lihua partit, la mère de Karim, encore tout émue, murmura en soupirant. « Quel monde ! Quel affreux monde est celui où il faut quitter la terre de sa naissance uniquement parce qu'on n'y trouve pas de quoi vivre dignement ?»« Et encore plus affreux, ajouta Karim, un monde constitué de frontières où les nantis se barricadent en interdisant aux démunis d'y aller pour trouver une terre plus hospitalière. Et puis, ajouta la mère, il y a une chose que je ne parviens pas à comprendre. Quoi ? Demanda Karim. Avant Barda, expliqua la mère, tu te rappelles cette Rachida ? Oui, et je t'avais dit combien j'étais mécontent des massages qu'elle te faisait. Il durait au maximum 15 minutes, et je voyais combien Rachida était pressée d'accomplir son travail en le bâclant. Seul l'argent la motivait. Il était payé le double par rapport à Barda. En plus, ces massages ne te soulageaient pas. Et effectivement, confirma la mère, ce que je ne comprends pas est ceci. Rachida déclare avec fierté être une bonne musulmane, faisant chaque jour ses 5 prières, alors que Barda, qui ne croit pas en Dieu, me consacre 1 heure de massage, qui me fait beaucoup de bien, à un prix 3 fois inférieur. J'ai la nette impression qu'elle me traite comme si j'étais sa mère, tandis que pour Rachida je n'étais qu'une cliente. Alors ce que je ne comprends pas, c'est en quoi Rachida est réellement musulmane. Oh, réplique Karim, voilà longtemps que chez nous la religion est devenue un masque pour cacher ce que l'être humain contient de pire, s'enrichir au détriment des autres, de manière malhonnête. Moi, conclut la mère, je crois que Barda ira au paradis, tandis que Rachida sera condamnée à l'enfer.